Jean Cocteau wrote the play in 1928. It was premiered a couple of years later. Supposedly, he had gone through a torturous breakup. Poulenc was also coming out of a relationship when he wrote the piece. Yeah. This gave them the fuel, at least certainly Poulenc, to set this play, that he was mature enough, experienced enough in life to be able to write something so human. Very interestingly, taking out bits that he thought were just too hysterical. And he made the piece ever so much more compact and believable, if you like. Out of 780 bars of music, 186 of them are you alone. Mm. It's very interesting. It's a, that's a lot of music where you sing alone. Yes, we can do whatever we want. Yeah. 40 minutes of listening and watching a woman talk on the phone. Now, it's a fascinating phone call, but it's your final phone call with your lover, who you've just actually broken up, and this is the last call. The telephone is the only tool that links them at the moment. Yeah, and 1928, Cocteau, I mean, the telephone would have been relatively new to society, right? So it's a big deal. I mean, that human being has something with which to communicate to others. I was thinking about how when you see someone even pick up a phone today in real life, and on an iPhone, or you know, you see them on the street and you see them having a conversation, and it's up to you to kind of interpolate what might be on the other end, and imagine when you see their emotions, what they must be going through. Okay, everyone happy? There are certain challenges to playing ill. The main one being that you don't have a partner on the other side in order to lean on or play off of. You have to hold the entire piece by yourself. But it's so, in a way, fantastic for this piece, because you're interpreting everything he says to you. We don't know what he says, but you're interpreting for us. You're interpreting, and so it, who knows if that's what is the real truth. Thank you for taking. Mark. Action. Poulenc found somehow a new musical language in this piece. The orchestra, they almost prompt or react to what you say, and depending on the moment, silences. Suddenly, we have moments of the most exquisite lyricism. These moments conjure up, I don't know, a tremendous nostalgia. Even a nostalgia for things that never were. Mm. It is so wonderfully French. I mean, it's impossible not to feel the French nature of that nostalgie. The memories, the love that one feels, you do look a little bit through the rose-colored glasses, because nostalgia is almost as important as present love. I mean, nostalgia holds love together. You know, the ember that keeps a love going, it can be based in nostalgia, and it's strong, it's so strong. Memory is so strong. I don't know about you, but this last period has not been about opera. My orchestra, which hasn't played for months here at the Royal Opera House. Danny, what do you think about this time that we're living now and how this piece resonates? It speaks exactly to this moment in history that we're all going through, this feeling of isolation. You know, we're in this pandemic period where people who maybe have never had mental health issues before have seen them bubble to the surface during this terrible, terrible time. And I'd just like to think that people could walk away and say, there's a little bit of me in that person. I know what that feels like. Poulenc decided to name this character just Elle. Mm. She, her, yeah. You know. And this, in a way, gives it a certain universality, you know, to all women. Like this? It's like I can't get out of here. I'm trapped. That's fine. The privacy, the intimacy of it. I mean, it lends itself, in a way, to being captured so closely on film. For exactly that reason. Just recently, Almodovar has made a film about exactly this subject matter. It's almost written like a film. It's unusual, and it won't be like any other opera. Madame, nous sommes plusieurs sur la ligne. Raccrochez. Vous êtes avec des abonnés. Mais madame, raccrochez vous-même. Allô, mademoiselle? Mais non, ce n'est pas le docteur Schmidt. 08, pas 07. Allô? Ça fait des gueules. Je ne sais pas. Allô? Mais madame, que voulez-vous que j'y fasse? Comment? Ma faute? Pas du tout. Allô, mademoiselle? Mais dites à cette dame de se retirer. C'est un vrai supplice de t'entendre à travers tout ce monde. Oui. Oui. Non, c'est une chance. Je rentre il y a 10 minutes. Tu n'avais pas encore appelé. Chez Marthe. Il doit être 11h15. T'es chez toi. Allô, regarde la pendule électrique. C'est ce que je pensais. mon chéri. Hier soir, je me suis couchée tout de suite. Et comme je ne pouvais pas m'endormir, j'ai pris un comprimé. Non, un seul, à me faire. J'avais un peu mal à la tête, mais je me suis secouée. Marthe est venue, elle a déjeuné avec moi. J'ai fait des courses, je suis rentrée à la maison. Quoi? Non, je veux juste dire que t'es vraiment... très forte. J'ai beaucoup, beaucoup de courage. Après, je me suis habillée. Marthe est venue me plaindre. Je rentre de chez elle. Elle a été parfaite. Elle a ses terres, mais elle ne l'est pas. Tu avais raison, comme toujours. Tout est ma faute. Si...

Je ne sais pas. C'est-à-dire... Si... Attendez. Auto Isaro 4,7. Allô? Mademoiselle, il me redemande. Bien. Joseph, c'est madame. On nous avait coupé avec monsieur. Voilà. Oui. Oui. Il ne rentre pas ce soir. C'est vrai. Je suis stupide. Monsieur me téléphonait d'un restaurant. Coupé et je redemande son numéro. Excusez-moi, Joseph. Merci. Merci. Merci. Bonsoir, Joseph. Chance à attendre. Mais mentir ne porte pas la chance. Et puis, je ne veux pas te mentir. Je ne peux pas, je ne veux pas te mentir, même pour ton bien. Oh, rien de grave, mon chéri. Seulement, je mentais en te décrivant ma robe et en te disant que j'avais dîné chez Marthe. Je n'ai pas dîné, je n'ai pas ma robe rose, j'ai un manteau sur ma chemise, parce qu'à force d'attendre ton téléphone, à force de regarder l'appareil, de m'asseoir, de me lever, je devenais l'âge. Et alors, j'ai mis un manteau. Et j'allais sortir, prendre un taxi, me faire mener sous tes fenêtres pour attendre. Eh bien, attendre, attendre, je ne sais quoi. Tu comprends comment c'est stupide ce que t'as fait? Tu as raison.

J'entends de la musique. Je dis, j'entends de la musique. Eh bien, tu devrais écouter et empêcher ses voisins de jouer du gramophone à des heures pareilles. J'ai entendu mon amour, j'ai dormi parce que c'était la première fois. Le premier soir en dort, ce qu'on ne supporte pas, c'est la seconde nuit, hier, et le troisième, demain, et des jours, avec toi, mon Dieu. Se laver, dormir, voyons.

que je le sache. Si par exemple, tu n'étais pas chez toi et que tu m'étais... Je n'en ai que plus de tendresse pour toi. Allô? Allô? Mon Dieu, faites qu'il redemande. Mon Dieu, faites qu'il redemande. Mon Dieu, faites qu'il redemande. Mon Dieu, faites qu'il redemande. Mon Dieu, faites qu'il redemande. Mon Dieu, faites qu'il redemande. Faites qu'il redemande. Faites qu'il redemande. On avait coupé. J'étais en train de te dire que si tu me trompais, par bonté et que je m'en aperçoive, je n'en aurai que plus de tendresse pour toi. Bien sûr, dis-le, mon amour. Je voudrais parce que les choses que je n'imagine pas n'existent pas. Ou bien une espèce de lieu très vague qui fait moi de mal. Tu comprends? Merci. Merci. Tu es bon. Thank you.